chrono football. Ah non, pas du tout. On va rester dans le rugby à 15. Tant pis pour monsieur Gilles, l'homme football qui est supporter de l'Olympique de Marseille, qui a gagné face à Lorient 4-1. Mais restons dans le rugby. Fédéral 3, poule 9, poule 10 avec Marie, les résultats à la volée et l'honneur régional. Allons-y. Alors, en Fédéral 3, poule 9, Givors, Avignon-le-Pontet 13-6, Rhône 15, Berre 9-8, Martigues, Ampuy 56. Les Angles Privas 0-0, Beaurepaire Émeux 14-14, Berre est premier, Les Angles 5e et Avignon-le-Pontet 7e sur 10. Alors juste une chose, ils sont méchants parce que les Angles ont perdu à domicile, voilà, contre Privas, 0-0 c'est gentil. Continuons. Poule 10, Aubagne-Sifour 43-0, Cavaillon-Bastia 36-5, Lavalette-Lille-sur-Sorgue 39-27, Pendre-Lespignan-Palavas 27-25, Lavalette est premier. L'Île-sur-Sorgue, 5e, 6e, Cavaillon, sur 10. Championnat PACA, honneur, Uzès, Le Mourillon, 39-10. Saint-Saturnin, Sisteron, 41-3. RC Draguignan, Monteux, 25-19. Fos-Istres, Le Bossé, 5-17. Monaco, Valréas, 27-27. Saint-Laurentin, Salon de Provence, 16-13. Uzès est premier, 2e, Monteux. Saint-Saturnin, 5e. 6e, Valréas. Et puis c'est tout pour le Vaucluse. Bon, là, on va juste prendre la première série parce que bon, nos amis Pernois, Orangeois et Sorgue sont dans cette poule. Alors, Vauvert, Sorgue Renouvez 15-25, Orange Tarascon 15-33, Digne Gignac Marignane 25-0, Gap Perne 5-23. Les Pennes Mirabeau sont premiers, Sorgue Renouvez 3e et Perne 6e, Orange 7e sur 9. Merci Marie pour le rugby. Top chrono, football. Alors moi c'est moi qui m'y colle parce que notre ami Henri pour le football et GFoot sont pas là ce soir. C'est vrai qu'il va falloir que je me rapproche des dirigeants de GFoot car on aimerait les inviter ce soir si vous avez bien sûr des connaissances dans ce milieu. Il faudrait leur dire gentiment que quand Fly FM m'appelle, ils pourraient répondre au téléphone. Ça serait sympa. Voilà, le message est fait, il est dit, il sera sûrement retransmis à qui l'entend, qui de droit doit l'avoir. Revenons plutôt dans le football national, la CFA, le groupe D, rien ne va plus, le Ponté qui est devant 800 spectateurs avait décidé de, on va dire, déporter le match de Fargue au stade d'Avignon, au parc des sports d'Avignon. Et bien le score, comme le public, 800 personnes, ce match nul, 0-0 de partout, ce qui n'arrange pas du tout les affaires du Ponté qui sont bien derniers de cette poule, 20 points pour 21 journées de championnat joué. Vous imaginez, 4 victoires, 9 perdus et 8 nuls. C'est vrai que c'est très très dur dans cette CFA de pouvoir survivre ou vivre. Eh bien, soyons très clairs, le Ponté est en très mauvaise posture. La CFA 2 approche à grands pas. Ça sera compliqué. On espérait que l'Olympique de Marseille 2 allait amener un nouveau vent de victoire du côté du Ponté, mais ça n'a pas été du tout le cas. Espérons qu'ils retrouvent les ressources pour pouvoir s'en sortir. Il leur manque pas grand-chose. 2 victoires leur feraient le plus grand bien. Mais lesquelles ? Madame Soleil doit sûrement avoir la réponse. En Ligue Méditerranée, honneur, il y avait bien sûr la 17e journée de championnat qui se déroulait. Et Perne recevait un Doom. Là aussi, ça doit être les Marseillais qui doivent faire ça, puisque le score est de 0-0 dans cette partie. Bien triste là aussi, mais Andoum, qui est deuxième du classement général de cette poule de honneur, et Perne qui est dixième, c'est un bon résultat pour les Pernois de ne pas avoir perdu à domicile face à cette équipe d'Andoum. Cannes est toujours leader, ils sont allés mettre 4-0 du côté de Fréjus Saint-Raphaël. En honneur régional, poule 1, nos amis de Courtaison, et je cherche bien si je ne me trompe pas, non, ils sont dans la poule B. Nos amis de Courtaison, ils se déplaçaient du côté de... Ils ont fait un match nul du côté de Carnoux. Et moi aussi, j'ai aussi des petits problèmes de visionnement, de résultats. Eh bien oui, Carnoux FC recevait Courtaison 0-0. Bon résultat à l'extérieur, car s'ils se déplaçaient chez le leader de la poule, eh bien ce résultat les mène à la 9e place avec 37 points. Le premier, bien sûr, c'était Carnoux RFC qui les recevait à domicile, tandis que le Ponté a perdu 1-0 à l'extérieur face à Cap d'Aille. Et les autres résultats, en gros, Martigues 2 recevait Marseille Cozzola. Ils ont gagné 1-0 et la Croix de Château, non, Carquerane. La Croix de Carquerane, ils recevaient Gap FC 05, ils ont perdu. Ils ont gagné 3-1 et Gap a perdu. Gap qui est dans cette poule 12e avec 34 points. Revenons au district Rhône-Durance. J'essaie de voir si je trouve les féminines. Et bien, j'ai pas le résultat pour les féminines. Revenons au district Rhône-Durance en PHA. Un seul résultat, c'est Lille-sur-Sorgue qui est allé faire le match nul du côté de l'US Le Pontet, tandis que Courté zone 2 s'est passé la Barbantane 1-1. Nos amis de Carpentras recevaient le leader Mayenne. Ils ont gagné 2-0. C'est les positionne à la 8e place, et tandis que Perne 2 a mis un carton à l'extérieur face à Tarascon FC, 5-0, et Saint-Rémy-de-Rosse et Montfavis ont gagné 2-1. Mayenne est premier, deuxième Barbantan, on s'éloigne un petit peu pour retrouver Carpentras 8e, Courtaisan 9e avec 41 points, le leader à 51 points, vous voyez un petit peu l'écart. 11e Perne 2 avec 30 points en PHB, deux petits résultats pour les Sorguets, pour les Montiliens, pardon. Les Sorguets, on va revenir dans quelques secondes. Les Montiliens qui se déplaçaient du côté de Rasto, ils ont perdu 1-0. Les Entrégois sont allés faire le buzz. Ils sont allés gagner du côté de Saint-Jean-de-Grèce, mais ils se sont déplacés chez la Lanterne Rouge. En poule B, nos amis Sorguet, l'Espérance Sorguaise, est allé gagner à l'extérieur face à Avignon FCC. Un bon résultat qui les positionne à la deuxième place. Toujours le leader, c'est Orange, qui a été sans pitié face à Velleron. 3-1, ils ont gagné. Voilà pour les résultats de football pour ce soir, en espérant que M. Henri, et je lance encore un petit appel à G-Foot 84, messieurs, on aimerait bien que vous soyez à nos côtés. Voilà pour le foot. Top chrono, athlétisme. Allez, on repart avec monsieur Bibi Bougon. Les championnats de France de cross-country se sont déroulés du côté du nord, parce qu'il faut savoir qu'à partir de Montélimar, ici dans le Vaucluse, eh bien déjà ça commence à être... Lyon, c'est le nord. Je souris, bon, à Saint-Galmier, quand même, c'était la source, hein, la source de Saint-Galmier, Badois et tout, du côté de Saint-Étienne. Alors, deux petites remarques, mon cher Didier, dont je ne suis pas du tout satisfait, les résultats ne sont pas là sur les journaux, le championnat de France est un petit peu bafoué, heureusement que nos amis du Vaucluse, hein, attention, du Sport Provence ont été là, mais au niveau page nationale, il n'y a rien. Parce que apparemment il y a une histoire de sponsoring avec SFR, dont tu es partenaire avec eux. Il y a peu de temps, hein, c'est depuis que André Géraud est devenu président de la Fédération Française d'Athlétisme, puisque c'était l'ancien président de la Ligue de Provence. Un contrat s'est fait en décembre avec SFR pour les retransmissions sur du direct. Alors là aussi, André Géraud, le partenariat avec les petits clubs, cet argent va aller pour la télé. Ah non, d'accord, ok. On va pas attaquer ce dossier. On a un peu avant de déboîter, lui. Tu veux déboîter sur la troisième file? Non, mais je sais pas, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on voit un petit peu l'emprise qu'il y a Bernard Laporte, qui est en train de tout révolutionner dans le rugby, on se dit que peut-être que dans l'athlétisme aussi, pourrait révolutionner les choses. Il y a des choses à aller voir aussi sur le site de la Fédération Française d'Athlétisme, où tu pouvais suivre quand même ce championnat de France. C'est vrai que moi, j'étais en direct. On a eu cette chance que... Il y a une dizaine de jours, le temps était au beau, là-haut, à Saint-Galmier, ce qui a rendu, disons, des conditions agréables pour le parcours. Alors donc, c'est un parcours qui donnait droit aux pistards, puisque pas de boue, terrain très très sec. C'est vrai que l'herbe était sympathique et avec quelques petites difficultés. Donc ça allait à 100 à l'heure au niveau des courses. Ouais, alors tu veux dire, en tout cas, te fait pour une cross, c'était trop roulant pour toi? C'est trop roulant, disons que bon, on pouvait s'attendre aussi bien à un temps, connaissant la région, ça aurait pu être très très boueux. Et là, sur fin février, beau temps, soleil, les conditions étaient idéales. C'est vrai que les gens qui venaient du nord ou de la Bretagne n'étaient pas favorisés dans le sens que eux sont habitués à courir dans des conditions atmosphériques qui ne sont pas le top, mais c'est des conditions pour le cross. Et là, bon, ça favorisait à la fois les pistards, de bonnes conditions, et c'est vrai que certains athlètes, surtout chez les femmes et chez les jeunes, et dans les catégories jeunes, il y a eu beaucoup de jeunes qui tombaient à l'arrivée. Hein. Est-ce qu'on a eu des surprises, mon cher Didier? Bon, les surprises, non, on ne s'attendait pas à ce que Christelle Denet gagne, mais Christelle, ça faisait 2 ans qu'elle n'avait plus fait de cross, dans le sens qu'elle revenait d'une blessure qui l'a handicapée pendant 2 ans. Elle avait une rupture partielle du tendon d'Achille, ça avait été au moment des Mureaux, donc elle avait clôturé sa saison de cross, ainsi que l'année dernière au Mans. Là, elle revient, 40 ans passés. Bon, elle rentre dans l'équipe de France et maintenant, elle prépare les championnats du monde. Chez les hommes, on connaît le vainqueur puisque le jeune Hassan Chadi se prépare. Qui termine le combien dans le conseil senior? Hassan Chadi, il fait deuxième. Il fait deuxième. Ah, là. Bon, là, j'ai une phrase quand même. Il gagne. C'est chez les femmes que Kassel Donné fait deuxième puisque c'est une Kenyenne qui gagne. Et Hassan, là, avait remis les pendules à l'heure puisqu'il prépare pour le mois d'avril le marathon de Paris. Ça sera son deuxième marathon. Il prépare un chrono quand même costaud en moins de 2h10. Donc Hassan était attendu au tournant du virage puisque Florian Carvalho venait d'être papa. Donc Florian avait mis un point d'orgue à ce championnat de France. Ensuite, il y avait un autre athlète de Bastia qui lui était sélectionné pour les Europes. Donc il n'est pas venu, il a préféré s'abstenir et être aux Europes sur le 3000. Et là, Hassan, ses deux principaux adversaires, tout le poids de la course reposait sur lui. Dès le départ, il est parti, puis personne ne l'a revu. C'est quand même un garçon qui doit avoir un niveau international intéressant. Oui, puisque le champion de France, on était juste en train de regarder avec Jean-Yves. Ouais. Sur les petits problèmes qui se passent dans le sport, les Kenyans ne sont pas à la fête cette fois-ci. Non. Il n'y a pas de Kenyans à l'arrivée. Au Muro, déjà, il y a 2 ans, au Muro, Hassan avait gagné la course largement, très très fort. L'année dernière, il y avait quand même 2 athlètes étrangers devant lui. Et là, cette année, c'était l'archi-favori. Il a encore gagné d'une course voluptueuse, puisque c'est vrai que... Cette année, c'est le championnat du monde, je crois, Didier, non? Oui, il y a un championnat du monde, c'est tous les 2 ans maintenant. Alors là, j'espère quand même qu'on devra avoir une équipe qui va... Oui, côté homogénéité, c'est à voir. Chez les filles, un peu plus, à mon avis, puisque c'est vrai que Christelle Donné a été... côtoyé par une athlète qui est très forte sur c'est une ancienne coureuse de 3000 steep et aussi qui va monter sur la distance la plus longue sur le marathon aussi. Oui. Donc Christelle était là une des favorites, mais c'est vrai qu'elle a fait une très belle course. Sinon, au niveau du Vaucluse quand même, comme on a précisé, il y avait Eric Fagot. On a eu des hauts, des bas et c'est vrai que pour le département, nous avions quand même 26 athlètes qualifiés avec différentes ambitions. Ce qui a laissé la place, le favori, c'était surtout chez les jeunes. C'est le jeune à la tête d'Éric Fagot, Romain Legendre, qui a fait une course fabuleuse puisqu'il fait septième à 10 secondes du premier. Oh. C'est pour te dire que le niveau est costaud. Ouais, garçon, comme l'a dit Eric, en 10 secondes à un championnat de France, ça peut être 10 athlètes comme ça peut être 20. Le niveau est tellement relevé. Alors c'est vrai que ça fait une coupure déjà aux interrégionaux à la qualif. Le niveau comparé aux départementaux, car rien quasi qu'aux régionaux. Les inters, c'est déjà une autre pointure. C'est la qualif pour les France. Mais là, aux France, en l'espace d'une seconde, ça peut être 10 gars qui te déboîtent et tu vois pas le jour. Et là, c'est vrai qu'il faut arriver, le point d'orgue, c'est d'arriver en forme le jour de championnat de France. Alors, c'est vrai que tout le monde s'attendait à ce que Mohamed Serghili soit un des favoris sur le cross-court. Il a fait une perf avant sur le 10 bornes de Cannes une semaine avant, en 29-33, où il établit sa performance, c'est la meilleure performance vauclusienne. On a Monique qui fait mieux. Oui. Je sais que Monique est toujours à l'affût. Elle a toujours son petit sourire. On dégriffe un petit peu, parce que quand même, Serghini termine combien dans cette course? Alors, sur le cross-court, Serghini fait 76e. C'est pas mal. Premier vauclusien, quand même. Alors le premier Vauclusien, c'est tout simple, hein. C'est le jeune Redouane Medjoub du CSMA qui fait une super course, il fait dixième. Serghini, premier athlète Vauclusien sans dossard, oui. Mais il n'avait pas oublié son short. En plus, c'est vrai que ça reste. Et puis en plus, tu nous parles de jeunes quand on a les 10 premiers. Oh, attention, c'est pas 30. 76e, Serghini. Oui, 76e. Mais déjà, quand tu rentres dans le top 100, déjà, c'est costaud. Ah oui. Et là, 76e, Je ne ferai pas son résultat. À mon avis, la seule erreur qu'il a peut-être fait, c'est d'aller courir à Cannes où il tape son chrono. Il fait des meilleurs chronos au niveau de Vaucluse, 29-33 à Cannes une semaine avant. Mais une semaine avant, à 10 bornes, à une semaine d'un championnat de France. Bon, il y a le résultat pour son chrono. Mais pour arriver en forme, un point d'orgue au niveau des championnats de France, ce n'était peut-être pas l'idéal. Ensuite, libre choix de sa part. Alors, je tiens, faut tirer le chapeau aussi au cross-court femmes, où les femmes du CSMA font 16e par équipe sur 32 équipes engagées. C'est Elodie Magnez Cruchant qui fait 19e. 19e, chapeau, madame, puisque Mouradi Eilam, qui fait 23e, était une des favorites pour entrer dans les 10. Elle passe à côté de sa course, malgré qu'elle était dans les 5 premières à mi-course. Bon, bah, ensuite, le déroulement a voulu que Elodie se rattrape de son interrégional qu'elle avait raté. Derrière, en 3e position, nous avons Sandra Saez Tamaya, qui fait 166e, et Charlotte Weber, qui fait 318e. Et avec cette hémogénéité de ce petit groupe chez les femmes du CSMA, bon, elles font quand même 16e sur 32. Bravo, mesdames. Ensuite, comme je l'ai cité sur le cross-court homme, Redouane Medjoub fait 10e, très belle performance. Mohamed Serghini, 76e. Et Aïssa Chahid du CSMA fait 277e. Alors, côté de petite désillusion, mais il faut avouer que chez les masters, Christophe Camps du l'UAC Carpentras fait 182e. Ce qui est bien pour ce garçon, puisque, bon, j'ai dit déjà pour rentrer dans le top 100, c'est costaud. C'est un garçon qui est plus un trailer, coureur de route sur des longues distances. Ensuite, nous avons Émilie Migieux, qui est quand même une athlète également du l'UAC Carpentras, qui fait 242e sur 400. Ensuite, les deux autres athlètes de Carpentras, El-Wazizis Wadif, qui fait 352e. Le cousin El-Hussini Brahim, qui fait 279. Et voilà. Ensuite, je vais citer encore l'UAC Carpentras. Oui, on va se dépêcher parce que bientôt, il n'y avait pas de soigneurs, il n'y avait pas de gens qui coupaient les citrons, il n'y avait pas de voiture au balisier. La cadette d'Eric Fago qui fait 150e, hein, non, j'aime Manon bien, Fournier. J'aime bien parce que bon, tu es vraiment un passionné de sport d'athlétisme et on est très content de t'entendre parler. Mais c'est vrai que 346e. Oui, c'est les désillusions de certains, mais pour eux, c'est, disons, sur le gâteau, oui, c'était oui, la qualif. Et après, il faut s'attendre à ce qu'au nous niveau des France. Ne soyons pas médisants sur ces belles performances de tout le monde qu'on peut féliciter dans ce championnat de France sur le cross-country. Pour l'année prochaine, il faudra toujours suivre Romain Legendre, hein, qui va passer junior. Romain qui a passé le grand braquet, hein, qui visait le podium. Il fait 7e à 10 secondes du premier. Magnifique. Costaud. Moi, je l'ai vu, j'étais à l'arrivée, il s'est effondré, mais il n'y avait pas de pluie. Hein. Le premier lui avait mis que 2 secondes aux interrégionaux. Là, il lui met quoi, il y a 10 secondes, mais le niveau est tellement serré en cadet. Même en junior, hein, il y avait un niveau 500 gamins. En junior, ça y allait, c'était des bourrins. Quand on les a entendus partir et arriver au premier kilomètre, ça, on voyait que ça galopait. Bon, bah, tant mieux pour les jeunes, hein, parce qu'il y a de la rivalité. Puis derrière, j'espère qu'il y aura de l'avenir un peu plus pour le cross. Mais parlons d'avenir, on va parler tout de suite d'une information qui vient de tomber avec Jean-Yves. C'est encore une fois le rugby qui est, ouais, et le sport en général qui est touché. On va parler peut-être un petit peu du sujet qui vient d'être tombé ici sur Fly FM. Ouais, je l'avais entendu vaguement parler cet après-midi, mais je voudrais juste parler de ce jeune joueur qui a de Fréjus Saint-Raphaël, qui jouait avec la B hier contre la SBC et qui a été victime d'un malaise qui est dans un état très très très préoccupant apparemment, avec un petit problème au niveau du cerveau, et son état est très préoccupant. Donc je voudrais juste désolé de glacer un peu l'atmosphère, mais voilà, avoir une pensée pour ce gamin de 20 ans. Et moi, je vous donne rendez-vous de prendre ces nouvelles sur le site, sur Facebook Fly FM. On vous tiendra au courant de l'évolution de ce joueur. C'était la SBC qui s'est déplacée du côté de Fréjus Saint-Raphaël. Alors, et malheureusement, on sait un petit peu le film. Alors, ouais, de ce match. À signaler que ça n'a pas été fait pendant le match. Ça a été, c'est un accident qui est arrivé après le match. Il a été victime de malaise pendant la réception dans la soirée. Mais bon, voilà, c'était dans le cadre de la rencontre contre Béda. Et ben, on n'aime pas trop avoir des gamins de 20 ans avoir des hémorragies cérébrales. Voilà, son verdict vital est engagé par les médecins. Apparemment, alors, c'est ce qu'on lit dans la presse. Voilà, on a terminé avec le... Revenons un petit peu plus... Bah, la ronde de Robion, dans l'édito d'aujourd'hui, il nous a annoncé que les résultats, on les aurait que demain. Merci Didier, bye bye, à très bientôt, on va passer à... Top chrono, sport mécanique. Et on va le sauter, on va passer avec Marie, on va y revenir en sport mécanique. Et puisque ce soir, on a Florian Bernardi. Bonsoir Flo, comment tu vas? C'est parce que nous, on t'appelle comme ça, puisqu'on est derrière toi depuis là. Depuis salut, très longtemps. Flo. Non, Florian Bernardi, soyons plus sérieux. Comment tu vas? Bonsoir d'abord. Bonsoir à toute l'équipe, bonsoir Fred. Allez, on va revenir bien sûr, puisqu'il va nous annoncer des belles nouvelles en direct sur Fly FM. Et on reviendra bien sûr sur ce 34e rallye de Vaison, qui est d'un grand cru. Mais juste avant, cet horizon avec Marie et on va prendre bien note, prenez note de tout ce qui va se passer ce week-end et peut-être ça va vous faire émerger une idée de sortie et pourquoi pas vous balader et pourquoi pas faire du sport avec Marie. Alors, je vais commencer pour les passionnés de vélo. Le samedi 11 mars, il y aura dans la Drôme à Porte-les-Valences un circuit VTT nocturne de 28 km avec des ravitaillements, bien sûr. C'est ouvert à tous. Bien sûr, il faut de l'éclairage, hein, sinon vous ne pourrez pas rouler. Et alors ça, c'est pour Jean-Yves. Il y aura une soupe au lard à l'arrivée. Après, si vous aimez toujours le vélo, mais un petit peu plus proche, ce sera dimanche 12 mars, le Vélo Rock de Cavaillon qui organise la randonnée VTT Les Calades de Gordes avec 5 circuits de 20 km, 25 et 30 km et un raid de 40 et 45 km. Nouveauté sur le grand circuit version raid, il empruntera la grande traversée du Vaucluse. Il y aura 70% de nouvelles traces. À l'arrivée, une bonne daube provençale vous sera servie. Celle-là plutôt. On va aller que là. Et puis, si vous allez également dimanche 12 mars du côté de Palud-Neuve, c'est dans les Bouches-du-Rhône, il y aura la randonnée VTT du printemps avec deux parcours balisés entre les communes d'Eyragues, de Château-Renard et de Neuve. Un 35 km pour les VTTistes experts avec un dénivelé de plus de 731 mètres et un 25 km pour les confirmés avec un dénivelé de plus de 355 mètres. Ravitaillement commun aux deux parcours avec une soupe chaude de légumes faite maison. Il n'y a rien à faire. On va aller à la daube directement. Mais si vous préférez plutôt la course à pied, eh bien samedi 11, je vous propose à 15h30 la 22e foulée du Chasselas au Thor avec un 12 km, un 6 km. Un 6 km de marche à pied et un 990 mètres pour les enfants. Cette course se singularise par ses dotations, son ambiance festive et joyeuse et son parcours. Imaginez-vous dans une colline fleurie par les amandiers en fleurs, surmontée d'un prieuré du Moyen-Âge, une traversée du village ancien avec son beffroi et le charme de ses ruelles, tout cela baigné par le clapotis de ses bords de sorgue et les nombreuses animations musicales. Ça sera du côté du Thor. Qu'est-ce que c'est beau. On va y revenir, Didier, dans 5 minutes. On va laisser finir. Également, samedi, il y aura également la 30e édition Les Foulées de Villeneuve-les-Avignons à partir de 15h15 avec une marche nordique de 5 km et une course de 5 et de 10 km. Voilà. Alors moi, ce que j'ai adoré, Marie, c'est parce que tu es vraiment, ce rendez-vous Horizon devient incontournable dans cette émission. Didier, je me retourne vers toi. Aujourd'hui, tu as vu comment on vante les mérites d'une course avec ton petit livret qui nous dit juste l'heure qu'il faut venir et partir. On préfère le programme de Marie, franchement. Marie, excuse-moi de te le dire, mais tu donnes envie d'aller faire la course du Chasselas. C'est plus alléchant. Didier, c'est la course du Chasselas. Venez à 6h et à 18h, c'est fini. Fred, si je peux rajouter un truc à l'agenda de Marie, je voudrais attirer l'attention sur la journée qui va se dérouler samedi au Parc des Sports à Avignon. Le club de rugby Avignon Le Pontet organise son match délocalisé contre Martigues au Parc des Sports, match à 17h me semble-t-il. Mais juste après ce match-là, et c'est le truc intéressant, c'est qu'il va y avoir un revivre des années ententes, c'est-à-dire l'entente d'Avignon. Les anciens joueurs de l'entente vont rejouer, vont reporter les couleurs de l'entente, blanc cerclé de bleu. Et voilà, ils annoncent une superbe journée. Il y aura des animations sur le stade. Il y aura la possibilité d'assister au match du tournoi Destination en direct. Reportez-vous sur la page Facebook de l'USAP Avignon-Le Pontet. Ça risque d'être une très très belle journée, on y sera. Et j'espère que tu nous rapporteras beaucoup de sons de cette belle journée de rugby, puisqu'on en reparlera dimanche après-midi en direct depuis Châtelain du Pape pour le match de Fédéral 2. Ce soir dans Focus, puisqu'Horizon est passé, Focus ce soir sur Florian Bernardi. Nous reviendrons sur le 34e rallye de Vaison. Florian Bernardi, pilote de rallye, comme je dis tout à l'heure, puisqu'il a prouvé par son expérience qu'il avait fait deux fois le championnat de France en Twingo Renault et en Opel Adam. Si je ne me trompe, Florian, il faut me reprendre. Hein. Oui, 3 ans de Twingo, 2 ans d'Opel. Et il a prouvé que ce garçon avait du talent, puisqu'il a couru avec des R5 dans la rallye du Var, où il s'est comporté admirablement bien. La première, on va dire, expérience a été sur une Clio Renault de plus de 200 chevaux, une voiture dont il a su maîtriser en quelques secondes, puisque c'est des voitures qui découvrent pratiquement à chaque rallye. Et cette année, l'occasion est faite de le retrouver en championnat de France avec une voiture performante, et surtout, peut-être, pourquoi pas, un Florian Bernardi qui va peut-être défier la chronique dans sa catégorie. C'est tout le mal qu'on le lui souhaite. Mais revenons plutôt juste avant, Florian, si tu me le permets avec toi, puisque j'ai gardé cette partie du rallye de Vaison, 34e du nom, de parler un petit peu de ce rallye. Ce rallye qui a attiré quand même un bon nombre de pilotes, et des pilotes dont j'ai été ravi de les revoir, hein, comme Arzeno, Mathieu, qui avait disparu depuis 4 ans. Un garçon qui lui aussi a fait une progression dans le rallye assez impressionnante, puisque moi je l'avais croisé 2 fois au rallye du Monte Carlo, c'était en 2009 et 2012, où il était sur une Peugeot S2000. C'était un petit peu l'entre-deux, puisque c'est le rallye du Monte Carlo avait été déclassé à l'IRC. Et ce garçon, oui. Et après, il avait disparu pendant 4 ans. Oui, il avait disparu un petit peu des radars. On se souvient aussi de sa participation en junior WRC, donc en mondial, où il avait fait de bons résultats. Malheureusement, ça avait un peu était sans suite, et là il revient pour dans l'optique de participer à la finale des rallyes en fin d'année qui aura lieu dans notre comité, le rallye de la Sainte-Baume, donc à Marseille, entre Marseille et La Ciotat. Moi je vous propose d'écouter le podium, puisqu'on a fait un petit peu des regroupés de sons, hein, et je vous propose d'écouter Pupo, Pelleret et bien sûr Arzeno. C'est le podium du 34e rallye de Vaison, et on me dit non, pourquoi? Non, Arzeno finit quatrième. Quatrième. Oui, le troisième, c'est Cyrémitaro. Cyrémitaro, excuse-moi pour lui. Anthony Pupo en rallye, on va dire en Saint-Pépin. Tu as su mener ce rallye de 22 mètres. Tu le gagnes, c'est beau, non? Ouais, on a passé un très bon week-end. Le rallye s'est très bien passé. Bon, on a pris beaucoup d'avance tout de suite. On avait un adversaire de taille qui était Pelleret, parce qu'on a vu encore là, les temps sont très serrés. Malheureusement, il a fait des erreurs, donc il s'est... Il s'est enlevé du jeu, mais on s'est bien amusé, on a passé un bon week-end, on commence à comprendre la voiture, donc c'est de bonne augure pour la suite. Voilà, le prochain rallye? La semaine prochaine à Jumilliac, centre nord de la France. Ce rallye, on a eu peur, ce matin on s'était dit, ça y est, Stéphane va attaquer dans Savoyard, et puis après, bon, ben, ça s'est mal passé. Oui, on n'était pas forcément à l'attaque, on roulait pour se faire plaisir, c'était l'objectif du week-end, c'était de se remettre dans le rythme, se faire plaisir. Il n'y avait pas d'objectif particulier de résultat. Dans Brandt, on a fait un temps de fou sans trop s'en rendre compte, en fait, en gardant une petite marge. Dans Vaux, un nouveau tête à queue. Donc ce week-end, on fait 4 sur 3, sur 7. Et on en rate 2 sur 2 têtes à queue. Et bon, c'est ce qui nous fait perdre la victoire. Mais on est là, on s'est éclaté, on ramène l'auto à bon port sans égratignure. Donc c'est génial. On va te revoir bientôt, Stéphane, parce que se languit presque. Ouais, normalement, Terre de Vaucluse en fin d'année. Mais 2-3 rallyes par an. Et on se régale. Et c'est la chance de pouvoir rouler dans une super auto avec Hélène. Là, c'est un week-end d'enfer. Mathieu Arzeno, hein, ben, se languissait. Au revoir, Mathieu. Parce qu'on t'a vu au Monte Carlo, puisque moi, je t'ai déjà suivi. Tu revenais un petit peu en rallye, c'est bien, en rallye régional. Ouais, ben, je suis très content. J'ai un peu arrêté pendant 3-4 ans, après avoir roulé quand même à bon niveau. Donc voilà, ça me manquait beaucoup. Et puis ben, maintenant, je suis très content de pouvoir revenir. J'espère faire la finale en fin de saison. Donc c'est pour ça qu'on roule un petit peu, pour marquer les points. Aujourd'hui, ce rallye, c'est quoi qui a été bien? Est-ce que qui a été moins bien? Ouais, c'était pas trop mal. On découvre un peu encore la voiture. Je pense qu'il y a pas mal de réglages encore à faire pour qu'elle soit efficace. Et puis voilà, il y avait beaucoup de grosses autos et on finit 4 au scratch. Je pense qu'on pouvait pas faire mieux. Je pensais même au départ qu'on n'aurait pas pu faire ça. Donc ça va, on est content. C'est très satisfait. La suite, hein, pour toi, de carrière? Mais la suite, on va continuer avec cette auto pour marquer les points et puis faire la finale avec une grosse auto, essayer d'être devant. Ouais. Allez, on va revenir avec Florian sur 2 faits marquants quand même de ce final. On avait oublié quand même Cyrémitaro. Cyrémitaro, Stéphane. Qui repasse Mathieu Arzeno avec Cyrémitaro avec la R5, qui repasse Arzeno sur la fin de course. Mais bon, c'est une Alors, un Alain Pelleret, Stéphane Pelleret, pardon, qui je compare un petit peu à toi, un homme au grand cœur, parce que sa copilote, c'était le jour de son anniversaire, c'était un deal, c'était un pari, de faire le rallye avec elle, elle s'est éclatée, ils ont fait les fous. Stéphane Pelleret, qui a rien gagné, qui a qu'à se faire plaisir. C'est ça, ça fait plaisir aussi de revoir Stéphane, donc de le revoir monter dans une voiture après quelques années. Il avait eu, on se rappelle, une grosse sortie depuis il n'était pas remonté dans la voiture, donc on savait pas trop au niveau des pronostics comment il allait revivre ça. Et en fait, ça s'est super bien passé parce qu'il a été de suite performant la première fois dans la voiture aussi dans la R5. Donc il a été performant tout de suite et il s'est éclaté. Il avait la banane tout le week-end, donc c'est que c'était bon signe. Voilà, ils ont fait deux têtes à queue, c'était dommage parce que bon, mais sa copilote Hélène, son nom Kloneski, c'était, elle m'a dit c'est mon jour d'anniversaire, c'était une deal. Eh bien, le deal, il a eu lieu, ils sont passés un moment fabuleux, je trouve ça, ouais, c'est du Stéphane, quoi. Voilà, tu connais le personnage. Et puis, bon, Arzeno, Mathieu, qui nous parle de la finale, parce qu'il était déjà engagé dans ces rallyes régionaux, déjà depuis longtemps. Ouais. Donc, en fait, ouais, la finale de la Coupe de France, on marque des points de novembre de l'année d'avant à septembre, donc un mois avant la finale qui a lieu généralement au mois d'octobre. Et donc toute l'année on participe à des courses pour marquer des points et pour essayer de faire partie des généralement 10 pilotes par comité, pour faire simple, qui vont se rencontrer sur un rallye qui est défini chaque année, qui est différent. Donc là, cette année, c'est pour ça que dans le comité, il y a beaucoup d'enthousiasme, que les rallyes vont, je pense, vont faire le plein cette année, parce que tout le monde veut essayer de participer à cette bel événement festif et sportif. Alors, on avait bien sûr les VHC, on a M. Vought avec sa Renault. C'est un personnage que Jean-Yves connaît très bien. Quelqu'un qui me fait que me dire, chaque fois qu'il me voit, j'ai pas tenu parole envers Jean-Yves, mais je me rattraperai. Alors bien sûr, on l'a un petit peu taquiné, sa copilote aussi, Marie-Jo, vous allez voir. Et juste derrière, il y a Sanchez, c'était l'ouvreur, tu as dû le voir, Florian, qui était sur un fauteuil roulant, il a eu un accident, c'était un ancien pilote. Aujourd'hui, il pilote avec la technique qui est venue d'Italie, qui a fait, on va dire, pas fureur, mais sensation au Dakar. Ouais. Il a le même pilotage, tout se passe par les commandes. Yeah. Un garçon charmant. Il y avait Zanardi, Alessandro Zanardi qui avait sorti le premier à avoir utilisé ce truc-là. C'est Zanardi en DTM, me semble-t-il. Je ne pourrais pas te confirmer, mais je vois très bien le système. Allez, je vous propose d'écouter Sanchez. Il était bien sûr, lui, sur une Audi 80 Quattro des années 80 aussi. Bien, on finit. On va découvrir là où on se finit. On finit 9e. On a été 8e jusqu'à maintenant. Là, je vois qu'on a dû... on en a perdu un peu la dernière Propiac, là, donc voilà. Il y avait beaucoup de monde, monsieur Vought. Beaucoup de spectateurs, oui. Ouais, la voiture a bien marché. Parfait. Ouais. C'est un rallye plaisant quand même, Vézon. Ah, hein. Oui, puis alors on est chez nous, on a plein de copains au bord de la route, tout ça c'est sympa. Vous en êtes à combien de votre rallye? Combien de rallye vous avez fait cette année? Ça fait le 9e là. Merveilleux. Marie-Jo, on en est où, Marie-Jo, dans ce rallye? Très bien. Hier, temps affreux, mais on s'est super bien débrouillé. Aujourd'hui, ça a été une spéciale normale. Tout va bien. Il n'y a pas eu de soucis au niveau des notes, hein? Pas du tout. Ah, jamais, jamais. Merci de m'avoir repris. Merci, Marie-Jo. À participer à ce rallye de Vézon. Je crois qu'il n'y a pas eu de soucis. Tout s'est très bien passé. Mais la grande surprise, c'est qu'aujourd'hui, il va donner beaucoup de force à tout le monde parce qu'il est sur un siège roulant et il a piloté comme personne, puisque tout le monde l'a applaudi dans toutes les spéciales. Et oui, on s'est régalé. Très bon rallye, très sympa, très compliqué hier au niveau des conditions climatiques. Mais bon, on était ouvreurs, donc on a roulé quand même tranquille. Et puis là, on s'est vraiment régalé aujourd'hui. Aujourd'hui, une voiture mythique, quand même. C'est une Audi, me semble. Ouais. Je crois que là aussi, beaucoup de plaisir. C'est ça, une Audi 80 GTE, aménagée pour moi à la conduite, par une société italienne. Donc j'ai le même montage que le pilote Albert Lovera qui fait le Dakar. Je suis seul en France, d'ailleurs, à avoir la chance d'avoir ce montage-là. Et ce qui me permet de retrouver ces sensations de pilotage, comme avant l'accident. Est-ce qu'on fera du VHS un jour ou l'autre? Parce que quand on a une voiture comme ça, on est peut-être tenté aussi à faire un petit peu de la compétition pour se faire plaisir. Alors aujourd'hui, on fait de la régularité, on fait du VHR. Et on va faire du VHRS cette année, puisque maintenant, elle est arsautée, baquée, etc. Donc on va pouvoir rouler en moyenne haute, et on est déjà sur des bons rythmes. Et puis certainement, effectivement, à terme, partir faire un petit peu de VHC. On va s'amuser. Merci beaucoup. Merci. Voilà, deux secondes pour revenir sur Madame Vente, pour Marie-Jo. Marie-Jo qui a été copilote de Jean-Pierre Ballet pendant plusieurs années au championnat de France de rallye. C'est pour ça que j'ai taquiné. Et puis surtout, Sanchez, ce garçon qui donne beaucoup de courage, très gentil et qui prend beaucoup de plaisir. C'est ça le sport automobile. Oui, c'est vrai que ça fait plaisir de voir des gens handicapés dans notre sport. Ça, c'est bien de les voir, que c'est accessible à eux aussi. Donc il y en a quelques-uns dans la région. Je sais que voilà, je connais bien un Ardéchois pareil qui est en fauteuil, qui a un système aussi. Et ils sont loin d'être ridicules au niveau des temps. Donc ouais, c'est très très bien. Tristan Mauric aussi, qui est partenaire, que tu connais très bien aussi. Il adore conduire aussi. On ne sait pas s'il se motive autant, on le verra un jour dans une voiture de rallye. S'il l'entend ce soir. Ouais, on va y laisser un petit clin d'œil à Tristan Mauric. Revenons, on va dire, un personnage aussi qui m'a surpris. On va écouter Grandordi, qui a été là. Il n'a peut-être pas été à la fête pendant ce rallye, mais lui préparait autre chose. Et on a Rigaud. Pilote aussi, c'est ça qui me surprend de le voir ici, parce que lui aussi prépare une nouvelle coupe. Tu vas peut-être nous aiguiller aujourd'hui, ce soir. Très bien. Voilà. Allez, Quentin Rigaud. Florent Joly, alors ce rallye ce rallye de Maison, comment ça s'est passé? Très très bien, on s'est vraiment régalé. Le but de notre venue ici, c'était de préparer le Tour de Corse. On l'a fait grandement, on s'est régalé, on a eu un beau temps partout, on s'est régalé. Non, très très bien. Ouais, surtout des spéciales un petit peu compliquées, parce que quand même c'est des spéciales mythiques, hein, comme celle de Brandt qui faisait partie du rallye de Monte Carlo. Très très belle spéciale, un peu difficile aussi dans le sous-bois là, dans la première, dans Brandt, tout le plateau et tout là, c'est très très vite. Non, c'est une très belle spéciale, on s'est vraiment régalé, on a passé. Tu es satisfait de ton week-end? Oui, très satisfait de notre week-end, on a ramené la voiture, on a passé un bon moment, tout s'est bien passé, nickel. Tu te prépares pour le Tour de Corse? Eh ouais. Merci. Allez, avec Franck, un grand Nordi, bonjour Franck. Ce rallye, comment ça s'est passé? Parce que bon, on espérait tout voir dans le trio de tête, mais peut-être que c'est plus compliqué aujourd'hui, non? Non, mais nous, l'objectif pour nous, c'est la finale au mois d'octobre. Donc hier, on est rentré, on avait 37 secondes d'avance sur le deuxième du groupe et de classe. Donc en fait, les points vont être précieux, donc on a préféré jouer la sagesse aujourd'hui, quoi. Ouais, parce que le régional, on t'observe, quoi. Hein. Et puis bon, cette finale que tu nous annonces, ça, tu penses que ça va bien se passer, là où vous allez? À l'heure actuelle, on est troisième de notre ligue, donc ils en prennent, je crois, 20. Et c'est jusqu'au mois de septembre, donc il faut rester dans les points toute l'année pour essayer de ramener des points, de rester à notre position. Là on est bien pour l'instant. Donc on a ce matin on est parti, on a dit allez on joue la sagesse et c'est pour ça que voilà. C'est bien joué parce que la voiture, pas de soucis, pas de problème et on est prêt pour la finale. Ben, on roule dans 15 jours au Manosque, donc voilà, il faut aller comme ça jusqu'au mois de septembre en roulant piano piano et avec la tête. Merci Franck. Excusez-moi. C'est fini pour moi. C'est fini. Bon, moi j'ai pris. Il faut faire lui là. Balmont. Ribaud, oh oui. Ribaud, il doit gagner en R2, il doit être premier. Ah bah oui, là il est premier les R2. Ben oui, de toute façon. On est avec Ribaud. Bon, tu as gagné ce rallye, me semble. Hein. Je crois que tu es leader de ta catégorie ce soir. Hein. Oui, on finit en plus 5e du classement général, donc c'est vraiment un super résultat pour nous. On finit premier des R2. C'était vraiment un super rallye, on s'est régalé. Voilà, c'est vraiment super content. La voiture a bien marché et toi tu as été toujours dans le rythme? Oui, la voiture, on a connu zéro souci. Nous on s'est remis dans le rythme puisqu'on n'avait pas roulé depuis l'année dernière. Donc voilà, vraiment un super résultat et ça met en confiance pour cette année. Quoi. La suite hein? La suite, ben, ça sera les manches de la 200 m Rally Cup. Ça commence au Terre d'Écosse début avril. Merci.